Bonjour à tout le monde. Je vous suis clair à respect de l'audio de la préférence sexuelle. Je suis pas homophobe. Je suis hétérosexuel. Mais je respecte la préférence homosexuelle. Mais c'est important que nos devoirs respectent les droits de l'enfant, de ne pas être influencé en sa sexualité contre nature. Nous parlons des droits de l'enfant. Si des poids avait 18 ans, il ou elle considère que sa sexualité c'est homosexuel, bien sûr, c'est d'accord, mais il, elle doit prendre sa décision quand c'est adulte. J'espère être clair. Et j'insiste. L'important, c'est les droits de l'enfant. D'accord, c'est tout. Merci beaucoup et au revoir.